c'est zéro, poutou. Miami animal, ouais. Double retort, doté de la force de frappe d'un minotaure. Sur le terrain, on a trotté le chasuble pour un pare-balles. On a tout fait dans l'illégal, dans la cabine, c'est minimum platine. Je viens de Tatooine, accouché par une machine. Dans le vaisseau mer 6.3, GLOCK, paramilitaire. Sur le poignet, je veux Philippe Patek, ouais. Tu sens le signe de richesse quand je fistache mec. Je suis la mauvaise graine qui veut tous les désherber. On a tous une balle qui nous est réservée. Traîner dans les bas fonds, c'est ce que mes rats font. Je suis or noir comme les sous-sols du Gabon. Rassasié que quand mon beat va toucher le klaxon, quand mon argent va toucher le plafond. Originaire de France, je suis très bresson. Une éclaircie et mon cœur prend feu. Je monte sur le ring avec une carabine. T'as le même string dans toutes les parties fines. En Fouquet pour le petit déj. Pistolet Flaubert, je suis vintage. Je ne suis qu'un homme, pas un saint. Serre-moi la main si ton chemin passe par le mien. Chien de la casse, chien de la casse, chien de la casse, chien de la casse. J'ouvre le sas, foule aux as. J'ouvre le sas, foule aux as. Kalash, famas, kalash, famas. Fuck la date d'ouverture de la chasse. Kalash, famas. Fuck la date d'ouverture de la chasse. Chien de la casse, chien de la casse, chien de la casse, chien de la casse. J'ouvre le sas, foule aux as. J'ouvre le sas, foule aux as. Kalash, famas. Kalash, famas, fuck la date d'ouverture de la chasse. Kalash, famas, fuck la date d'ouverture de la chasse. Billard, je t'aime quand tu coumes un peu pro. J'trouve les cuisses comme une huître de Kumamoto. Sur mon embarcadère, cherche la lumière du phare. J'serais prince, j'jurais le crapaud sur son nénuphar. Comme un bouc des mureaux, j'suis un poli. J'baisse Gina sur le bureau de Tony. Que des Mathieu dans le garage. J'transporte un peu dans la classe, grand large. J'règne sur tous les titans comme Atlas. T'es la reine des chiens, j'te mets une laisse comme Atlas. J'mets du bazin et j'mets du madras. Quand j'suis au fond de ton boule, c'est l'état de grâce. Négros se font fumer d'après la ABC. Donc on est armé comme la Navy. Silias dans le matelas comme des acariens. Laisse-moi te la mettre comme un penalty sans gardien. Cocaïne est pure, augmente le taux de Hagra. Mes lyrics sont durs, trempés dans du Viagra. Quand ils viendront me soulever, j'serai dans du Fendi. À compter mes millions comme Benjamin Mendy. 2-7-0 ma vie, c'est mon vécu. J'suis du 9-3, j'dois tous les en les cul. J'ai dû marcher entre le tir des rafales. Le bruit qui met fin au silence des cathédrales. Chien de la casse, chien de la casse, chien de la casse, chien de la casse. J'ouvre le sas, foule aux as. J'ouvre le sas, foule aux as. Kalash, famas, fuck la date d'ouverture de la chasse. Kalash, famas, fuck la date d'ouverture de la chasse. Chien de la casse, chien de la casse, chien de la casse, chien de la casse. J'ouvre le sas, foule aux as. J'ouvre le sas. Kalash, famas, fuck la date d'ouverture de la chasse. Kalash, famas, fuck la date d'ouverture de la chasse.